un beau bateau à voile, j'ai un beau bateau pour aller vers les étoiles. Quand j'ai le cœur gros, tant il m'emporte en silence vers cet au-delà, que rien n'a plus d'importance dans ces moments-là. Que chacun soit maître sur son bateau, n'en déplaise aux êtres vils et fachos. Mais si le vent se dérobe, je sors le moteur, comme enlèverait sa robe une femme fleur, et sans presque rien y faire, en seul mètre à bord, je découvre des mystères, des îles au trésor. Que chacun soit maître sur son bateau, n'en déplaise aux êtres vils et falots. Passionné de sport nautique, j'adore barrer. C'est un paysage exotique qui me fait rêver. Lorsqu'échoué sur le sable, je découvrirai des visages ineffables, des corps tout bronzés. Que chacun soit maître sur son bateau, n'en déplaise aux êtres vils et fachos. Pourquoi donc être sectaire, à voile ou bien à moteur? Tant que vogue la galère, je suis amateur. Et si parfois je démate, je pense déjà à la prochaine régate. Ça me met en joie. Que chacun soit maître sur son bateau, n'en déplaise aux êtres vils et fachos. Mais que dis-je, je divague, je suis dans mon lit. Et s'il existe des vagues, c'est bien loin d'ici. Et si je cherche une étoile, un autre bonheur, vogue mon bateau à voile, tiens bon mon moteur. Que chacun soit maître sur son bateau, n'en déplaise aux êtres vils et falots. Que chacun soit maître sur son bateau, n'en déplaise aux êtres vils et fachos.